Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, et ceci pour la dernière fois de cette année 2016, parce que la semaine prochaine, pas d'émission, ça sera une toute petite vacance d'une semaine. C'est donc votre rendez-vous sur le 100 FM Radioactive, votre rendez-vous rock, pop, punk, musiques expérimentales diverses et variées. C'est donc Lost in Space qui attaque maintenant pour la dernière fois de l'année, après ce week-end de Noël pour les enfants et pour les plus grands. Et on attaque, comme la semaine dernière, avec notre chronique habituelle et notre rubrique récurrente sur la vie de Marky Ramone. Parce que c'est le Papa Noël qui nous amène des bonnes nouvelles de Marky Ramone. S'appelle Punk Rock Blitzkrieg. Et c'est parti, go! Mon père était un docker syndiqué et ma mère travaillait comme secrétaire. Ils nous ont envoyés, Fred et moi, dans une école maternelle interculturelle à Bedford-Stuyvesant, un quartier proche, juste au nord. Au milieu des années 50, la ségrégation sévissait dans la plupart des quartiers, mais Fred et moi, on était contents d'être avec des enfants de cultures différentes et on s'est immédiatement fait des amis. Un truc étrange concernant notre maternelle, c'était le quart de ramassage scolaire. On n'en avait pas. Ce qu'on avait, c'était un corbillard Cadillac Break transformé en une sorte de minibus. Il était grand, noir et roulait vers l'école comme si on allait assister à un enterrement. Quand les gamins voyaient le corbillard arriver, ils se mettaient tous à courir pour essayer de s'asseoir en premier sur la banquette arrière. L'arrière était spacieux et capitonné, et c'était cool de penser que ce même habitacle avait autrefois été utilisé pour transporter des corps. J'adorais rouler la fenêtre ouverte. On adorait tous regarder par la fenêtre arrière et faire des grimaces aux voitures derrière nous. Turn into things that they never want. The only La seule chose que je n'aimais vraiment pas à la maternelle, c'est quand ils nous faisaient faire la sieste au milieu de la journée. Je trouvais ça bizarre, leur façon de tous nous installer sur des petits tapis de sol et d'éteindre les lumières. Il y avait encore plein de lumières du jour qui entraient par les fenêtres. J'étais censé me tenir tranquille comme tout le monde, mais c'était difficile. Je savais qu'il n'y avait aucune chance que je m'endorme, alors le mieux que je pouvais faire, c'était de rester couché là, les yeux fermés. Je rêvassais, m'imaginant faire tout et n'importe quoi, sauf la sieste. Il y avait des jouets rangés sur des étagères tout autour de la pièce, des cubes en bois, un slinky, de la pâte à modeler Play-Doh, un monsieur patate, un train électrique Lionel, et ils me suppliaient de jouer avec eux. Après notre sieste, les instituteurs nous laissaient chahuter un peu, tout particulièrement dehors, dans la cour, où on pouvait courir dans tous les sens et inventer nos propres jeux. Pour moi, m'allonger sur ce matelas et faire semblant de dormir n'était qu'une immense perte de temps. En 1957, Fred et moi, on a eu 5 ans et on a déménagé à nouveau avec grand-père Julius dans l'immeuble de 4 étages du 640 Ditmas Avenue où ma mère avait vécu quand elle était petite. Les lits superposés sont venus avec nous, je devais donc encore partager une chambre avec Fred. C'était parfait parce qu'on s'entendait toujours bien. À l'instant, on a eu les Ramones avec I Wanna Be Sedated pour clore cette séquence sur la vie de Marky Ramone, le deuxième batteur de ce groupe fabuleux. On continue en musique et en littérature avec des extraits du magnifique polar de James Ellroy, Perfidia. Mais avant, ce sont les Del Shapiro. Blanchard est un ancien boxeur, autrefois prétendant au titre de champion dans la catégorie poids lourd. Avec l'argent de ses combats, il a acheté une maison au-dessus du Sunset Strip. En 1939, il a résolu une grosse affaire de braquage de banque, ce qui a assis sa réputation chez les flics. Il vivait en concubinage avec une certaine Kay, quelque chose. Le concubinage était Fairbottom, sous le règne du directeur de la police C.B. O'Roll. Le directeur avait Lee Blanchard à la bonne. Il a fait semblant de ne rien voir. Mix et Blanchard attirent les rumeurs comme des aimants. la plus répandue, Lee est très lié avec Ben Siegel et la mafia juive. Dans le drugstore, le brouhaha est total. Les voix sont répercutées par les vitres. Ashida regarde à l'intérieur du magasin. Pinker a rassemblé tous les témoins. Mix se cure les dents et admire le bidule photographique. Blanchard sort de la voiture de police. La voiture a été volée devant une salle de billard 10 Lawson Avenue. Le commissariat de la 77e rue a enregistré la plainte à 8h16. C'est forcément un Morico. Aucun blanc ne survit au sud de Jefferson Boulevard. Mix regarde sa montre. Appelle la division des polices urbaines. Dis-leur de diffuser un avis de recherche en le pimentant un peu. Une série de braquages de commerce par un homme seul armé et dangereux. Arrange-toi pour faire croire que c'est un boulot de pure routine. Blanchard fait le V de la victoire à la Churchill. Mix se recoiffe en regardant son reflet dans la vitrine. Ashida entre dans le drugstore. Bon, il va pouvoir noter tous les détails depuis le début. Mentalement, il prend note de la disposition des lieux. Il mémorise les visages des témoins. Il évalue géométriquement les distances. Son regard se déplace, les détails s'accumulent. Son odorat capte des odeurs corporelles chargées d'adrénaline. Deux pharmaciens en blouse blanche, l'un corpulent, l'autre maigre. Le gérant portant costume et cravate. Deux vieilles dames, des clientes. Le gros pharmacien a un furoncle dans le cou. Le pharmacien maigre a la tremblote. L'une des vieilles dames est obèse. Ses veines épaisses indiquent qu'elle souffre d'athérosclérose. Les témoins sont rassemblés en un groupe compact. Mix passe derrière le comptoir et leur fait face. Il sourit, façon cow-boy, brave type. « Je me présente, sergent Mix, je vous écoute. » Le gérant dit. Il est entré et il est allé tout droit vers la section pharmacie. Il portait un masque et il avait un pistolet, mais je ne pense pas que c'était l'homme qui nous a dévalisés les autres fois. Celui-ci, il était plus grand et plus mince. Les pharmaciens hochent la tête. « Oui, patron, c'est bien ça. » Mix demande « Que s'est-il passé ensuite ?» Le gros pharmacien répond « Il nous a fait mettre en rang et il nous a volé nos portefeuilles. Il nous a fait avancer jusqu'au bout de la première travée des pilules et des comprimés. Il a pris un flacon de phénobarbital et il a tiré un coup de feu dans le plafond. » Ashida tressaille. Là, le détail incongru. « Monsieur Pinker et moi étions de l'autre côté de la rue. Nous aurions entendu la détonation. » Le gros pharmacien secoue la tête. Le pistolet était munu d'un silencieux, bien visible au bout du canon. Ashida passe derrière le comptoir du drugstore. Il examine la caisse enregistreuse, les barres chocolatées, les cartes de Noël sur leur présentoir. Il tape sur le clavier une vente d'$1. Le tiroir caisse s'ouvre. Les cases sont remplies de billets de banque, d'$1 à $20. L'instinct parle. Le braqueur avait davantage besoin de drogue que d'argent liquide. Le vol des portefeuilles est secondaire. Il a été commis pour détourner l'attention de son vrai mobile. Anomalie. Pourquoi voler un seul flacon de phénobarbital? Ce geste ne cadre pas avec l'archétype du voleur en manque de drogue. Ashida repasse de l'autre côté du comptoir et parcourt la première travée. Au sol, pas de douille éjectée par l'arme du braqueur, donc deux solutions. Soit le braqueur l'a ramassé, soit il a utilisé un revolver. Au plafond, l'orifice résultant de l'impact. Juste au-dessous, des fibres métalliques sur le plancher, des bribes de laine d'acier arrachées par la balle au passage. Ashida s'agenouille et les examine. Les bords ont brûlé sous la chaleur dissipée par la bouche du canon. Les bribes de laine d'acier retombent de ses mains en virevoltant sur elles-mêmes. Thank you. Vous êtes toujours sur le 100 FM, Lost in Space, sur Radioactive. On a eu les Missing Souls à l'instant et maintenant c'est l'heure du live avec les Dogs. Magnifique groupe français de la fin des années 70, début 80, originaire de Rouen avec leur chanteur Dominique Laboubé qui nous a quittés il y a quelques années maintenant et beaucoup trop jeune bien évidemment. On les retrouve ici enregistrés en concert à Lyon en 1982 avec en quelque sorte une espèce de best-of, leur meilleur titre. Merci, c'est un morceau de Jim Vincent qui s'appelle Bird Dog. Guitariste, voici un morceau du dernier album qui s'appelle The Most Forgotten French Boy.

more than tell you what I'm gonna do. Come build my house next door to you. When I see you there on the front, don't you hear my heart go body bump? Gone, gone, gone. Rock and roll. Oh, she really likes to shake. 45 tours, ça s'appelle No Way. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Listen, girl, listen what I say. We're waiting for the next year. I hope Here comes my babe. 1, 2, 1, 2, 3, 4. présente dans la ville empoisonnée. Everybody shakes and shake, everyone shaking with me. Shaking with Linda des Dogs en concert à l'instant sur le 100 FM Radioactive. On continue en musique et en littérature avec des extraits du bouquin de Naomi Klein qu'on a entendu déjà la semaine dernière. Il s'appelle Tout peut changer, changement climatique et capitalisme. Mais avant des extraits, des lectures de celui-ci, toujours un peu de musique avec les Lost Crusaders. Soul, I said I got it. Wow, I got it. I got a brand new way of living. I got a brand new way of praying. I don't ask why. Arrive aussi d'avoir vraiment les yeux ouverts, sauf que, immanquablement, cela ne dure pas et que nous continuons ainsi d'osciller entre prise de conscience et amnésie. Car le dérèglement climatique est une réalité qu'il est difficile de garder à l'esprit bien longtemps. Cette amnésie écologique intermittente est parfaitement rationnelle. Nous nions la crise du climat parce que nous craignons qu'elle ne vienne tout bouleverser. Ce en quoi nous n'avons d'ailleurs pas tort. Okay, we're gonna play a little game. It's called Who Am I? Where is your dignity? show. It's dirty, it's low. They laugh, they fuck. You scum, you suck. They win, you lose. Let's quit, you choose. Where is your dignity? Vous êtes toujours sur le 100 FM avec ce groupe hollandais au nom complètement imprononçable, les Eiderossiès, qui ont clôturé donc cette petite session, on va dire, contre le réchauffement climatique. Retour de nos rubriques récurrentes, l'histoire des Slits à l'instant, et c'est parti. Vive Albertine devient rapidement la force motrice des Slits, organisant les répétitions et gardant le groupe sous contrôle, puis elle commence à écrire des titres. Vive les présente également à Keith Levine. Il soutient à fond le groupe et son concept et désire les voir réussir. J'aurais pu simplement connaître Vive et n'avoir rien eu à faire avec le groupe car je m'étais engagé avec Vive pour l'aider à apprendre la guitare, pas uniquement pour qu'elle joue dans les Slits, explique-t-il. Génération 80 est terminée, je vous retrouve samedi, mais avant cela, nous regardons et nous écoutons en direct les Slits. Rhythm, life, rhythm, heart, beat, is beat, and body, rhythm, is rhythm, is a pattern, but so what you leave your rhythm on, what you beat your music on, rhythm, create, rhythm, earth, circus, circling, I, button, is a rhythm, where all our voice come from, where the music and the tunes come from, is beat, is time, is time, is rhythm, and silence, silence is a rhythm too. Good to see ya. losing and you lose, lose. You lose, lose and you lose when you see. Rhythm is God's gift. Rhythm shows the form of God and comes to those who know. Where rhythm keeps us going, whilst the others live and die. In the beginning, there was rhythm, a silence. Silence is a rhythm too. Appears in many forms, like one of them is wisdom. When you get wisdom, if you choose to know that God is wisdom, then choose to get wise. You are chosen to be true to choose God's gift. Wisdom. It's true that you will never, never, never lose rhythm. It's true that you will never, never, never, never, never lose rhythm. Live it up, live it up, live it up. Harry était une personne dérangeante sur scène, mais elle avait aussi la pêche. Je suis arrivé chez Nora et j'ai dit « J'ai vu cette foutue batterie violette, ça sera pour Palmolive ». Vive a accepté, Harry la voulait, nous avons fini par faire des tas de concerts partout dans ce foutu pays. Je leur ai fait le son et tout. La différence d'âge entre Vive et Harry semblait toujours significative, mais Vive était fasciné par l'écolière libre d'esprit et particulièrement inspiré par son manque total de conscience du corps, une chose peu commune pour n'importe quelle femme, encore moins une adolescente. Ah! se souvient. Harry était si jeune et le plus étrange pour moi, comme j'avais environ 5 ans de plus, était qu'on ne pouvait pas tenir une vraie conversation car elle n'avait que 14 ans. J'essayais de lui parler comme à quelqu'un de mon âge, mais elle était un peu infantile, d'une manière charmante, et c'était dû en partie au fait qu'elle était allemande. Mais elle est tellement à l'aise avec les langues et elle a une bonne oreille. C'est pourquoi elle est si douée musicalement. Mais c'était bizarre. Deswegen tragen wir halt nicht so Kleider. Wir sind Frauen und wir brauchen nicht sagen, dass wir Frauen-Movement sind, weil das ist ja nur, um uns zu sichern, dass wir Frauen sind. Aber wir wissen das ja vom Anfang. Es kann uns ja nicht wehtun. Die Männer sind die Männer, dann lass sie halt. An dem Menschenskind, was ist denn das? Hast du deine Tage? Just talking about women. Ja. Wie die Frauen sagt, wir können alles, was Männer können. Nee, ich kann nicht, ich bin nur eine Frau, ich bin eine Frau. Und zwar eine Frau und ich kann nur, was Frauen können. Ja? Damit das mal klar ist. One, two, three. Me too. Besuch aus Amerika, The Blood. Kiss était particulièrement déconcerté, mais impressionné par l'adolescente très sûre d'elle. Je n'avais pas vraiment prêté attention à Harry parce qu'elle me dérangeait, dit-il. Ce n'est pas pour rien que sa mère s'appelle Nora. Ignora, c'est ce qu'il vous faut faire parfois. Mais Harry avait beaucoup d'énergie. Si vous la laissiez déborder, elle pouvait devenir méchante. Elle pouvait faire n'importe quoi. Je l'ai appréciée, je l'ai aimée et j'aime vraiment ce qu'elle fait. Dans le contexte des Slits, c'était génial. We'll be right back. Nora était bien plus qu'une chaperonne pour sa jeune fille. Elle utilisait sa connaissance de l'industrie musicale à bon escient et agissait comme une manageuse. Tout comme elle le fera de temps à autre durant la carrière du groupe, particulièrement quand diverses parties sans scrupules endossèrent le maillot du manager pour essayer de les escroquer durant les années suivantes. In the beginning there was rhythm. Palmolive. Nora était une vraie manageuse depuis le début. Elle nous préparait des repas. Elle était plus âgée et mieux organisée. Elle avait une voiture, un téléphone, une maison. Et nous, nous vivions dans des squats. Elle était très engagée, elle aimait la musique. Alors quand nous avions une personne qui n'assurait pas, elle compensait toujours. En réalité, elle nous a beaucoup facilité les choses.